بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki, حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بفضل الله تعالى منذ ذلك اليوم يعني الثلاثاء السابع من شهر محرم من سنة 1437 فتح شيخنا عبد الرزاق النهمي حفظه الله تعالى درسا في القصيدة المسمى بحائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. طيب فنحن إن شاء الله سنأخذ مراجعة entre nous, c'est de dire ce qu'il a ouvert le Cheikh, révision c'est résumé entre nous إن شاء الله et مباب نشر الخير ننشرها صوتيا. فأولا سميت القصيدة هذه القصيدة c'est une poésie, Qasida c'est une poésie, écrite dans le sujet de l'Aqida. L'Aqida de qui? De Ahl Sunnah wal Jama'a. L'Aqida est sahiha. Wa sumiyat bi ha'iya, parce qu'elle finit en ha. Par rapport à la rime de fin, elle finit en ha. Comme en nouniya, مثلاً de Ibn Qayyim, elle finit en noun. Elle s'appelle nouniya. Comme l'amiya de Nutaymiya a fini en l'aime. Donc elle a été appelée par, par rapport à la dernière lettre. Donc tout d'abord, le mu'allif, l'auteur de cette qasida, c'est Abu Bakr ibn Abi Daoud. Abu Daoud, yani l'imam, sahib al-Sunan, Suleyman. Ibn Suleyman. Al-Ash'af. Donc son nom au mu'allif, c'est Abdullah. Il s'appelle Abdullah. Sa cognée c'est Abu Bakr. Et son père c'est Suleyman, Abu Daoud. Sahib al-Sunan. Imam du Kutub al-Sitta. Al-Ash'af. Sajitani, Al-Ash'af. Et donc cet homme, Abdullah ibn Suleyman, ibn Abi Daoud, il était surnommé comme étant Cheikh Baghdad Al-Hafiz. C'était un imam dans la science. D'accord, c'est un grand savant. Bien que son père fût plus connu que lui, mais le fils également était un homme de référence dans la science. Yani Ibn Manazid, il est né en 230. Bien Miyatayn wa Thalafin. Sana Miyatayn wa Thalafin. Min al-Hijra. وتوفي سنة 316 من الهجرة. En 316. Ça veut dire avec combien de temps? 86 ans. Alors Mabarak, il a une longue vie. Alors ça. Et Ma'alouf, Aslan, comme on dit dans le hadith, que la base de vie de cette Ummah, c'est 60 ans. La plupart mourront avant. Et les autres mourront après. Et Khayloukoum, Man. Mais entre vous, celui qui aura une vie longue avec des œuvres pieuses. Donc une vie longue, c'est pas forcément louable en soi. T'as une vie longue où tu fais que du mal, ça sera contre toi. Mais quand t'as une vie longue que dans le bien, donc après avoir le shir et cité le sanad, chaîne de narration qui remonte ce qasida, pour bien confirmer qu'elle est de lui. Parce que des fois, des koutoubs ont été attribués à des gens, c'est pas d'eux. D'accord, donc là, Qasida est bien de lui. C'était affirmé. Et elle fut citée dans le livre d'Al-Zahabi, comme il l'a dit, et dans Kitab al-Ulu. Dans les deux livres, tu peux trouver cette Qasida, elle y est évoquée, en entier. Elle a beaucoup de chourouh, d'explications. Parmi les contemporains, il a cité qui? Cheikh al-Fawzan, Hamzah Ta'ala. Cheikh Zayd al-Matradi, Rahimahullah Ta'ala. Cheikh Abdelrazak al-Badr, yani le fils de Cheikh Abdel Mohsen Abed, et également de notre Cheikh Abdelhamid Al-Hajouri, et lui-même, Cheikh Abdel Razak Al-Nahmi, lui-même, il a un charh. D'accord ? Est-ce qu'il est déjà édité ou pas ? Je ne sais pas, en tout cas, il a dit, lui-même, il en a un. Alhamdulillah. Donc, ce sont des vers de poésie qui viennent pour résumer, expliquer la aqidah des gens de la sunna. Les gens de la sunna qui peuvent être appelés les gens de la sunna, al-sunnati wa jama'a, wa ahlul hadith, les gens du hadith. Vous voyez, et également, notre époque, on les appelle salafi. Tout cela est la même pour le même groupe. Al-firqa, al-najiyah, le groupe sauvé. Le groupe des 73 sectes, celui qui sera sur la vérité, sur quoi écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc il commença par les premiers vers. Premier vers de la poésie qui était Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan 'allaka tuflihu. Qu'on traduirait par accroche-toi al habl, à la base un habl, tamassuk, c'est le hamd de tamassaka, s'accrocher à quelque chose. Ou al habl, à la base c'est un comme un câble, une chose qui relie. D'accord ? Et là, le sens voulu, c'est s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Kafikoulillahi ta'ala. Wa tasamu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Et accrochez-vous tous. D'accord ? À Allah, dans le Coran, c'est venu, billah de habl. Et un habl, à notre époque, ce serait traduit par un câble. Le sens voulu, s'accrocher à Allah, à sa religion. Wa tabi'a le huda. Ittabi'a, c'est le fir amr de ittaba'a ya tabi'u, qui veut dire suivre. Et le Houda, c'est la guidée. ثم قال ولا تكو بدعيا لعلك تفلحو. Donc là, ولا تكو, là c'est la nahia, jazima, qui veut dire une forme d'interdiction. Taku, à la base c'est quoi taku? C'est takun, kana yakunu, mudaria. Là, le nun, il a été enlevé tarfifan, jawazan. Là, dans le feida l'orawiya, tu peux l'enlever avec des conditions. Le noun du. Lorsqu'il est majzoum de yakun, tu peux enlever le noun avec des chourotes. Déjà que le fir soit au mudari'a. Qu'il soit majzoum. Et qu'il ne soit pas suivi par un harf sakin. Un lettre sakin. Kafi qawli ta'ala. Lam yakun illadhina kafaru. Mathalan. Lam yakun. Là après, il y a alladhi. Ça commence par un harf al-was. Donc là, le noun, on ne peut pas l'enlever. Donc là, le noun, il est thabit. Donc s'il y a half sakin après, le noun, il reste. Et également, qu'il ne soit pas accroché à un damir nasb. Mathalan, kafil hadith, quand dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'Ibn Sayyid, je crois que c'est Omar qui dit que c'est lui le Dajjal, laisse-moi le tuer. Je crois que c'est Omar, si je me rappelle bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, إن يكون هو فلا تصلت عليه. إن يكون هو, si c'est lui, là le هو c'est venu pour dire quoi? Là c'est le هو, c'est خبر كان. Donc là il est accroché. S'il y a un هو, un damir qui vient mutasil après, t'enlèves pas de nun. Là c'est shahid. Par contre, si les shurut après sont respectés et réunis, comme par exemple ولم أكو بغيا سورة مريم, ولم أكو بغيا, que je n'ai pas été prostitué. Lam akou, bariya devant, après il y a un ba qui est maftour, et il n'y a pas de damil muttasil. Et il y a plusieurs versets comme ça. Donc quand tu vois yakou, takou, akada, à la base c'est yakoun. Et le double est enlevé. Bid'iyan, aïb, manam mubtadi'a. Innovateur. La'allaka tuflihu. À la base, la'alla, c'est un harf de taradji, d'espoir. Et vient aussi pour Manal Ta'lil, afin que, pour que, Manali, l'itaflehu, otuflehu. Donc là, ne sois pas un mobtadir afin que tu réussisses. Là, le shir, il commence par une exhortation de s'accrocher au kitab et à la sunna. Le vers sera duré par cela. s'accrocher au kitab à la sunna, de ne pas être un innovateur pour réussir. Comme le salaf, man mata al kitab al sunna, fa mata ala kulli al khayr. Cela fait rapporter l'imam Ahmed. Celui qui meurt sur le kitab al sunna est mort sur le bien complet. D'accord, c'est un bien complet. Donc ça, c'était par rapport au premier vers. Le premier vers. Deuxième, yaqul wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Donc din, c'est le fir'am de dana yadinu, qui veut dire suivre la religion ou avoir pour croyance. Et le masdar, c'est din, qui est traduit aujourd'hui par religion. Bi kitabillahi, kitabullahi wa al-Qur'an. C'est le livre d'Allah. Kalamullah, ghayr makhluq, avec la parole d'Allah qui n'est pas créée, la parole d'Allah qui est incréée. Comme cela fait partie de la croyance de Al-Sunnati wa Jama'a. Al-Sunan, c'est le pluriel de Sunnah. Sunan, pluriel de Sunnah. Loratan, Sunnah, c'est At-Tariqa, la voie. Et des fois, c'est traduit, nous, on traduit par tradition, en français, dans le sens littéraire. Et loratan, istilahan, c'est quoi ? Ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min fi'lin aw qawlin aw takririn. Que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme action, comme parole ou comme approbation. Sunan sont principalement basés sur ces trois faits-là. Une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. D'accord ? Ou s'il ne l'a pas fait, il a dit de la faire. Ou s'il n'a ni fait ni de la faire, qu'il a approuvé lorsque d'autres sahaba l'ont fait. La salan, ma fa'ala, parmi le sunan, le siwak. C'est une chose qu'il a fait. Des choses qu'il a dites et qu'on n'est pas rapporté qu'il l'ait faite, le somme de Daoud, alayhi salam. Le siyam de Daoud, un jour sur deux. Alors, il a conseillé, il a dit que c'est le meilleur des siyam. Le meilleur des qiyam, c'est le Daoud. Maintenant, est-ce que lui, il l'a fait, sallallahu alayhi salam ? Ça, ça n'a pas été rapporté. Moi, je ne connais pas qu'il était dit de lui qu'il faisait ce siyam-là. Et takrir, une chose qu'il n'a pas fait, ni appelé, mais qu'un sahabi a fait, qu'il a prouvé, comme par exemple les deux rakat après le dos. La salam. Comme Bilal, il l'a fait. Ou comme, j'ai oublié le nom du sahabi, qui a fait les deux rakat avant de se faire exécuter. Parce que ses ennemis l'ont attrapé, ils allaient le tuer, à Mecca, et avant de mourir, il a dit laissez-moi faire deux rakat. Les hommes, il a fait, non, légère. J'ai fait légère pour pas que vous pensiez justement que je vais retarder parce que j'ai peur de mourir. Et après, il a fait deux rakat, Allah les tue tous. Tulum badada, ou là tu radir minum ahada, ou là tu kiminum ahada. Tu les tous, t'en laisses aucun. Donc là, cette sunnah-là, elle n'est pas venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, elle a été approuvée. C'est devenu une sunnah établie. Car il l'a approuvée. Tamam ? Naam. Tayyib. Donc là, il dit, donc la sunnah, elle l'a dit atat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sunnah confirmée, authentique. Il y a des choses qui ont été appelées sunnah, mais n'ont pas été confirmées. Soit le hadith, les maudou, inventés, mensongers, ou les da'if. Ou rien de zalika. Hein? As-sunna as-sahiha. Tanju. Tanju min al-najah. Hein? Najah yanju. Qui veut dire. Yani, préserver là ton capital. Ce que tu as à la base. Vous voyez? Tu préserves ton capital. Ce que tu as, tu le préserves avec al-najah. Et là, tu tires bénéfice. C'est-à-dire, tu as ton capital et en plus de cela, tu prends des gains. Aham Shay Aslan, Hifaza ala Ras al-Mal. Le plus important, c'est de garder ton capital. Aham Shay, c'est ça. Quand tu as un khair, le plus important, c'est pas de l'augmenter, c'est de le conserver déjà. Le conserver, c'est déjà un grand khair. Et après, ça, tu arrives à rajouter, alors rajoute. Comme par exemple les wajibat en islam et les sunan. A la base, le wajib c'est préserver les actes obligatoires. Et par cela, tu veux rajouter, tu fais les sunan. Et plus ton iman il est fort, plus tu en rajoutes. Donc ça c'est les deux vers d'aujourd'hui qui appellent à s'accrocher au kitab ou à sunnah, de suivre la guidée, de ne pas être un innovateur afin de réussir, de suivre la sunnah authentique et de préserver le capital et d'obtenir les gains. مفهوم هذا فكان مراجعة اليوم من هذين البيتين ونكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين.